إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue donc la lecture et l'étude du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, écrit par l'imam Mohammed ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au chapitre 24, dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala nous rapporte des textes au sujet de la sorcellerie. Et le shir rahimahullah ta'ala a abordé le sujet de la sorcellerie dans ce livre, car il n'est pas possible pour le sorcier de commettre la sorcellerie si ce n'est avec l'aide des démons. Donc, pour pratiquer la sorcellerie, les sorciers se soumettent aux démons, recherchent leur aide et leur assistance afin d'atteindre leur objectif, et ceci relève du shirk, du polythéisme majeur, dont l'auteur sort de la religion de l'islam. C'est donc pour cela que le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ce chapitre ici dans le livre de l'unicité. Et le sihr, en arabe, que l'on traduit en français par la sorcellerie, il désigne dans la langue arabe tout ce qui est mystérieux et dont la cause est secrète ou cachée. Et d'un point de vue religieux, la sorcellerie désigne tout ce qui produit un effet sur les corps ou les cœurs, comme incantation, formule, nœuds sur lesquels on souffle, et tout cela dans le but de porter atteinte à la personne ensorcelée. Et cette atteinte, elle peut être de différentes sortes. Il est possible que l'objectif soit de la faire mourir, ou alors de la rendre malade, de lui faire perdre la raison, de la séparer de son conjoint, ou alors de l'empêcher de s'approcher de son conjoint, et ainsi de suite, parmi les choses qui peuvent être provoquées par la sorcellerie. Et la sorcellerie est une réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même été touché par la sorcellerie et Jibril alayhi salam a pratiqué sur lui la ruqya et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été guéri par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Cela est donc confirmé de manière authentique. On ne prend donc pas en considération certaines personnes parmi ceux qui font prévaloir leur raison au-dessus des textes du Coran et de la Sunna et qui ont renié le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ensorcelé. Premièrement, car ceci nous est rapporté de manière authentique. Et deuxièmement, car la sorcellerie est une maladie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme. Il était donc atteint par ce qui atteint les hommes comme maladie. Et entre dans cela la sorcellerie. On a donc dit que la sorcellerie, c'est une réalité. Elle a un effet sur les corps ou sur les cœurs. Toutefois, il est important de savoir qu'elle ne peut produire un effet si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans son noble livre, dans le verset 102 de Surat al-Baqarah, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Et ils ne peuvent nuire par celui-ci à personne si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de science ont mentionné que le sihr, la sorcellerie, elle se divise en deux catégories. Il y a ce que l'on appelle al-sihru al-haqiqi, la sorcellerie qui est réelle, et c'est celle que l'on vient de mentionner, celle qui a un effet sur le corps de la personne, au point de la rendre malade ou de la faire mourir, ou alors qui a un effet sur son cœur et la fait aimer ou détester certaines personnes. Ceci et la sorcellerie qui est réelle, c'est-à-dire qui a un effet réel sur la personne. Le deuxième type de sorcellerie, c'est ce qu'on appelle al-sihru al-targhili, la sorcellerie d'illusion. C'est-à-dire que c'est un sort qui n'a pas d'effet réel en réalité, mais c'est simplement une illusion. Le sorcier, il va en réalité faire paraître aux gens qu'une chose se produit alors qu'elle n'est pas réelle. Par exemple, il va leur faire paraître qu'ils plongent dans le feu, alors que ce n'est pas le cas. Ou alors, il va leur faire paraître qu'ils marchent sur un fil, alors que ce n'est pas le cas. Ou alors, il va leur faire paraître qu'une voiture lui roule dessus, alors que ce n'est pas le cas en réalité. Et il accomplit différentes choses comme se planter un couteau dans le ventre sans que cela ne lui nuise, et ainsi de suite parmi les choses que pratiquent les sorciers et les magiciens. Et tout ceci rentre dans la sorcellerie d'illusion, c'est-à-dire qu'en réalité il ne s'est rien produit, mais il n'a fait qu'ensorceler les yeux des gens. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné au sujet des sorciers du peuple de Pharaon, Saharu a'yunan nas, ils ont ensorcelé les yeux des gens. C'est-à-dire que ce sort, il n'a d'effet que sur la vue, mais en réalité, il ne se produit rien. Et ces deux types de sorcellerie sont interdits dans notre religion et font partie des plus graves des péchés. Car comme on l'a dit, la sorcellerie relève du polythéisme, car elle n'a lieu qu'avec l'aide des démons. Et le Shir, rahimahullah ta'ala, il nous a mentionné dans ce chapitre quelques versets, récits et hadiths, afin de nous démontrer deux choses. Premièrement, le jugement de la sorcellerie, et deuxièmement, le statut du sorcier, celui qui pratique la sorcellerie. Donc tout d'abord, il a mentionné une partie du verset 102 de Sourate al-Baqarah, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Et ils savent que celui qui acquiert ce savoir, c'est-à-dire le savoir de la sorcellerie, n'aura aucune part dans l'au-delà. Donc ceux qui sont visés par ce verset, ce sont les Juifs, car les versets qui le précèdent sont à leur sujet. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe donc qu'ils savent que celui qui acquiert ce savoir, qui apprend la sorcellerie, et fait prévaloir la sorcellerie sur la Torah, alors celui-ci n'aura aucune part dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'il n'aura aucune part du paradis. Et ceci est une preuve que le sorcier est un mécréant, et que la sorcellerie est de la mécréance. Car celui qui n'a aucune part dans l'au-delà, ce n'est autre que celui qui est sorti de l'islam, car il a mécru d'une mécréance majeure. Et la mécréance du sorcier, elle nous est prouvée sous de nombreux angles à travers ce verset. Je vous invite d'ailleurs à revenir au verset 102 de Sourate al-Baqarah. Parmi les preuves qu'il y a dans ce verset concernant la mécréance du sorcier, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Et Suleyman n'a pas mécru, car ils accusaient Suleyman de pratiquer la sorcellerie, alayhi salam, et donc d'être mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala a donc réfuté cette fausse accusation à l'encontre de son prophète Suleyman, alayhi salam. Il a dit, Suleyman n'a pas mécru, c'est-à-dire Suleyman n'a pas pratiqué la sorcellerie. Et ceci est une preuve que la sorcellerie est de la mécréance. Ensuite, il dit, selon le sens, mais ce sont les diables qui ont mécru. Ce sont les diables qui ont mécru. Et quelle est la cause de leur mécréance? Il dit, subhanahu wa ta'ala, yu'allimuna an-nas as-sihr. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. On voit donc dans cette partie du verset, que la sorcellerie est de la mécréance et que l'enseignement de la sorcellerie est aussi de la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans ce verset, en parlant des anges, Harut et Marut, qu'il a envoyés à titre de tentation et d'épreuve pour les gens, qu'il conseillait les gens avant de leur enseigner la sorcellerie. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ceux-ci, c'est-à-dire les deux anges, n'enseignaient rien à personne sans leur dire, ils les préviennent, ils les conseillent. Nous ne sommes qu'une tentation, c'est-à-dire un test, une épreuve. Ne deviens pas mécréant, c'est-à-dire n'apprends pas la sorcellerie. Car si tu apprends la sorcellerie, tu deviendras mécréant. Ceci est donc une preuve que celui qui apprend la sorcellerie est un mécréant. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, la partie que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a citée, selon le sens, et ils savent que celui qui acquiert ce savoir n'aura aucune part dans l'au-delà, aucune part du paradis. On a dit, celui qui n'a aucune part du paradis, c'est le mécréant. Et également, il y a une preuve de la mécréance du sorcier, de celui qui apprend la sorcellerie ou l'enseigne, dans le verset suivant, le verset 103, car Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans celui-ci, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. Et s'ils avaient eu la foi, s'ils avaient eu la foi, c'est-à-dire s'ils n'avaient pas été mécréants, et s'ils avaient eu la foi et fait preuve de piété, c'est-à-dire qu'ils se seraient préservés de la sorcellerie, لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. La rétribution auprès d'Allah aurait été meilleure si seulement ils savaient. Il y a donc dans ce verset de nombreux éléments nous prouvant clairement que celui qui apprend la sorcellerie, la pratique, l'enseigne, est tombé dans la mécréance majeure et sort donc de la religion de l'islam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné une partie du verset 51 de sourate An-Nisa, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, يؤمنون بالجبت والطاغوت. Ils ont foi en Al-Jibt et Al-Taghut. Et on a vu ce verset dans le cours d'hier. On a expliqué quel est le sens de Al-Jibt et du Taghut. Et ici, le shir, rahimahullah ta'ala, il nous a mentionné les paroles des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, nous expliquant les sens de ces mots. Il a dit, Omar, c'est-à-dire Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, Al-Jibt, c'est la sorcellerie. Donc les juifs, ils avaient foi en la sorcellerie, comme on l'a mentionné dans le cours d'hier. Et il dit, At-Tarut, c'est Shaytan, c'est le diable. En effet, le diable, c'est la tête des Tawarit, c'est leur leader. Car on a vu que le Tarut, c'est tout ce qui pousse le serviteur à dépasser ses limites, parmi les êtres adorés, suivis ou obéis. Et donc, tout cela, leur leader est le diable. C'est donc lui, la tête des Tawarit. Tawarit qui est le pluriel du mot Tarut en arabe. Ensuite, il a mentionné la parole de Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, At-Tawarit, donc qui est le pluriel de Tarut, ce sont les voyants. Les diables descendaient sur eux, et il y en avait un dans chaque clan. Donc le voyant, c'est celui qui prétend connaître l'invisible ou l'imperceptible. Et au temps de la Jahiliya, avant l'islam, les gens prenaient les voyants pour trancher dans leurs différends et dans leurs conflits. Et ces voyants, comme on l'a vu dans un cours précédent, ils reçoivent des informations des diables, qui montent les uns sur les autres jusqu'à atteindre le ciel, afin d'entendre une parole qu'ils saisissent furtivement. Donc le voyant, il informe les gens de certaines choses qui sont imperceptibles. Et pour cela, il interroge les démons. Et les démons l'informent de certaines choses. Par exemple, ils vont l'informer d'où se trouvent certains objets perdus, où se trouvent certains objets qui ont été volés. Ou alors ils vont l'informer de ce qui se passe dans un endroit lointain, dans un autre pays, et ainsi de suite. Alors les gens qui se rendent auprès du voyant, ils pensent qu'il connaît l'invisible, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Il ne fait que recevoir des informations des shayatines. Et ce car les démons, ils ont, comme on l'a vu dans un cours précédent, des capacités qui sont différentes de celles des hommes. Il leur est possible de voler dans le ciel, de se rendre rapidement dans un endroit lointain, et ainsi de suite. Donc de cette manière, ils peuvent avoir connaissance de certaines informations que l'homme ignore. Ils en informent donc le voyant, ils l'informent de ce qui se passe dans certaines maisons, de ce qui se passe dans certains endroits lointains, et le voyant en informe les gens qui sont alors trompés par cela. Et il faut savoir que le voyant n'obtient ces informations des démons qu'en se rapprochant d'eux, en leur vouant nombre de formes d'adoration, comme par exemple en sacrifiant pour eux, ou alors en se prosternant pour eux. Et ainsi de suite parmi les choses que pratiquent ces gens-là, wal'iyadu billah. Donc les démons, en échange du fait que cet homme se soumette à eux, en leur vouant différentes sortes d'adoration, en faisant du shirk, ils l'informent de certaines choses afin qu'il en informe les gens. Donc les devins et les voyants n'obtiennent pas ces informations d'eux-mêmes, mais ces informations proviennent des diables qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et à qui ils obéissent dans la désobéissance à Allah. Et on reviendra sur le sujet de la voyance dans un prochain chapitre, Inch'Allah ta'ala, on verra quel est le jugement de se rendre auprès d'un voyant, de le questionner, de le croire. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, a mentionné un hadith et il a dit, Abu Hurayra, radiyallahu ta'ala, anhu rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Écartez-vous des sept destructrices. Les sept destructrices, ce sont sept des plus grands des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc ordonné ici de s'en écarter. Et le fait de s'en écarter indique une interdiction stricte de commettre ces péchés. Il n'a pas dit simplement délaisser les sept destructrices, mais il a dit écartez-vous des sept destructrices. C'est-à-dire que l'on doit les délaisser et on doit également délaisser toute cause menant à ces sept péchés. Il lui a alors dit, c'est-à-dire les compagnons, ô messager d'Allah, et quelles sont les sept destructrices? Ils l'ont donc interrogé afin de connaître quels sont ses péchés afin de pouvoir s'en écarter. Car il n'est pas possible de s'en écarter si on ne les connaît pas. Et ceci nous prouve qu'il est obligatoire pour le musulman d'interroger et d'apprendre quelles sont les choses qui sont interdites, quelles sont les choses qui relèvent du polythéisme, quelles sont les choses qui relèvent de la mécréance, et ce afin de s'en écarter. Car il y a certaines personnes qui pensent qu'ils n'ont besoin d'apprendre que le bien. Lorsqu'il entend parler des formes de mécréance, des formes de shirk, des différents péchés, ainsi de suite, il te dit, je ne veux pas apprendre cela, moi je veux apprendre le bien. Apprends-moi ce qui me permet de me rapprocher d'Allah, de faire des adorations, et ainsi de suite. Et ceci, en réalité, c'est une ruse du diable. Car il est obligatoire pour nous de connaître le bien et le mal. On apprend le bien afin de le mettre en pratique, et on apprend le mal afin de pouvoir s'en écarter. Car si tu ne connais pas le mal, il n'y a pas de doute que tu risques de tomber dedans. Et tu ne pourras pas t'en écarter. Wallahu al-musta'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc mentionné dans ce hadith sept des plus grands des péchés. Et il a commencé en disant l'association à Allah, le shirk, qui est le plus grand des grands péchés. Il n'y a pas un péché plus grave qui peut être commis. Et le shirk, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises durant ses cours, c'est le fait d'adorer autre qu'Allah, en lui vouant une quelconque forme d'adoration. Que ce soit l'invocation, la prière, la prosternation, le vœu, le sacrifice ou autre chose semblable. Comme par exemple ceux qui se rendent auprès des tombes et des mausolées et qui vont dire « Ya Sayyidi Fulan, guéris-moi de ma maladie, donne-moi des enfants, accorde-moi une épouse » et ainsi de suite parmi les choses que les adorateurs de tombes prononcent auprès de ces tombes et ces idoles qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci relève du shirk Akbar dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Et de la même manière, le sacrifice auprès des mausolées, ou alors les vœux qui sont prononcés auprès de ceux-ci, et ainsi de suite, comme on l'a mentionné dans les cours précédents. Et le shirk, il n'est pas limité à l'adoration des statues. Mais quelle que soit la chose qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit une statue, une tombe, un mausolée, un arbre, une pierre, ou autre que cela, tout ceci relève du polythéisme, car Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'on lui donne un quelconque associé, qui qu'il soit, pas même un prophète envoyé, ni même un ange rapproché. Et le shirk, c'est le plus grave des péchés, car Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas. Il dit subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un quelque associé. Et le polythéiste, le mushrik, il ne rentrera jamais au paradis, et son refuge sera le feu de l'enfer. Car Allah subhanahu wa ta'ala lui a strictement interdit d'entrer au paradis. Il dit subhanahu wa ta'ala, Innahu man yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Certes, quiconque donne des associés à Allah, quiconque fait du shirk, Allah lui interdit le paradis. Il lui interdit d'y entrer définitivement. C'est-à-dire s'il meurt sur le polythéisme, sur le shirk, sans s'être repenti de cela. Et son refuge, c'est-à-dire sa destination éternelle, est le feu de l'enfer. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le deuxième de ses grands péchés destructeurs et il a dit la sorcellerie. Et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce hadith dans ce chapitre. Et ce car, la sorcellerie relève de la mécréance et du polythéisme. Et certains pourraient dire, si la sorcellerie est du shirk, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné ici après le shirk? La réponse est qu'il a mentionné une forme particulière de shirk après avoir mentionné le shirk de manière générale. Et l'objectif en cela est de nous montrer la gravité de cette forme de shirk, afin que la personne soit sur ses gardes et qu'elle fasse tout son possible pour s'en écarter. Ensuite, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de tuer une âme qu'Allah a rendu sacré, si ce n'est de droit. L'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée, c'est l'âme du croyant. Son sang, ses biens et son honneur sont sacrés. Il n'est pas permis de l'agresser ou de se transgresser sur ses biens, son honneur ou sur sa personne. Et également le mécréant, qui est lié par un pacte avec les musulmans. Il n'est pas permis de le tuer. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, celui qui tue un mécréant lié par un pacte avec les musulmans ne sentira pas l'odeur du paradis. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le quatrième de ses grands péchés destructeurs et il a dit le fait de manger de l'usure. Et al-riba, l'usure, cela fait partie des grands péchés après le polythéisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné des menaces sévères à ce sujet, notamment à partir du verset 275 de Sourate al-Baqarah, auquel je vous invite à revenir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ceci: Alladhina ya'kuluna al-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Ceux qui mangent de l'intérêt usuraire ne se tiendront au jour du jugement que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, au verset 278, Ya ayyuhalladhina amanu ttaqullah wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Ô vous qui croyez, craignez Allah et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire si vous êtes croyant. Et si vous ne le faites pas, si vous ne renoncez pas au reliquat de l'intérêt usuraire, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Ceci nous prouve donc la gravité de ce péché, qui est la pratique de l'intérêt usuraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui mange l'intérêt usuraire, c'est-à-dire celui qui en profite, celui qui le donne, celui qui en témoigne et celui qui l'écrit. On voit donc à travers cela la gravité de ce péché. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le cinquième des grands péchés destructeurs, qui est le fait de manger les biens de l'orphelin. Et l'orphelin, c'est celui dont le père est mort avant qu'il n'atteigne la puberté. Il est donc obligatoire pour les musulmans d'être bienfaisant envers les orphelins. Car celui-ci a perdu son père, il a donc besoin que les musulmans comblent le manque dû à l'absence de son père. Et ce, en étant bienveillant et bienfaisant envers lui, en s'occupant de lui. Et s'il a de l'argent, s'il possède des biens, cet orphelin, il est obligatoire de les préserver jusqu'à ce qu'il devienne pubère et qu'il puisse les gérer lui-même. Alors à ce moment-là, on lui remet les biens qu'il possède. Et le fait de manger les biens de l'orphelin, c'est un grave péché, car l'orphelin est un être faible qui ne peut pas se défendre. Si une personne injuste, un oppresseur, vient et lui prend ses biens, n'aura pas les moyens de l'en empêcher. Et c'est pour cela que c'est un grave péché, car c'est une grande injustice. Ensuite, le sixième péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith, c'est le fait de fuir lors du combat. C'est-à-dire de fuir le combat entre les musulmans et les mécréants lorsque vient le moment de la bataille. Et enfin, le septième péché, parmi les grands péchés destructeurs qu'il a mentionnés dans ce hadith, c'est le fait d'accuser les croyantes chastes et insouciantes de fornication. Le fait d'accuser un croyant ou une croyante d'avoir commis des turpitudes, ceci fait partie des plus graves des grands péchés. Il est donc obligatoire pour le musulman de préserver sa langue et de n'accuser personne d'avoir commis le péché de la fornication. Et si quelqu'un diffame un musulman et l'accuse de cela, et qu'il ne présente pas la preuve qui est quatre témoins qui ont vu la scène en détail, alors dans ce cas-là, la peine légale qui doit être appliquée sur le diffamateur est de 80 coups de fouet. Et celui-ci est jugé comme pervers, et son témoignage n'est plus accepté. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, comme on l'a dit, il a mentionné ce hadith dans ce chapitre, afin de nous montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la sorcellerie parmi les sept grands péchés destructeurs. On tire donc comme bénéfice de ces différents textes que l'on vient de lire, que la sorcellerie est interdite, que ce soit son apprentissage, son enseignement ou sa pratique, et qu'elle fait partie des sept grands péchés destructeurs, et également qu'elle relève de la mécréance dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné des textes au sujet de la peine légale en islam qui est appliquée sur le sorcier. Et il a dit, rahimahullah, Jundub, radiyallahu ta'ala anhu, attribue la parole suivante au prophète. La peine légale pour le sorcier est un coup d'épée. Et ceci est rapporté par At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, qui a dit: ce qui est juste et que cela est mawquf. Mawquf, c'est-à-dire que ceci est la parole du compagnon et non pas la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit à travers cette parole que la peine légale du sorcier, c'est la peine capitale. Et ce, en raison de la grande corruption qu'il cause sur Terre, mais également car, en commettant la sorcellerie, il a apostasié et sorti de la religion de l'islam. Car la sorcellerie, elle fait partie des annulatifs de l'islam. Comme on l'a vu lors de notre étude de l'épître Nawaqid de l'islam, la sorcellerie, son apprentissage et son enseignement font sortir de la religion de l'islam. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit, et dans l'authentique d'Al-Bukhari, il est rapporté d'après Bajala ibn Abada qu'il a dit, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, c'est-à-dire le prince des croyants, le deuxième des califes bien guidés, a écrit, c'est-à-dire qu'il a écrit à ceux qu'il avait désignés comme gouverneurs dans les différentes contrées, tuez tout sorcier et toute sorcière. Donc ceci confirme ce qui est mentionné dans le hadith de Jundub. Bajala, c'était un scribe de certains gouverneurs qui avaient été désignés par Omar radiyallahu ta'ala anhu. Il mentionne donc cela car il a lu ce qui leur était parvenu de la part de Omar radiyallahu ta'ala anhu. Puis il dit, nous avons alors tué trois sorcières, c'est-à-dire qu'ils ont mis en exécution ce que leur avait ordonné le prince des croyants Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite il dit, rahimahullah, et il est authentiquement rapporté de Hafsa radiyallahu ta'ala anha, Hafsa qui est la fille de Omar, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a ordonné de tuer une de ses servantes qu'il avait ensorcelée. Elle a alors été tuée. Et ceci est également rapporté authentiquement de Jundub, c'est-à-dire Jundub ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a dit, ceci est rapporté authentiquement de trois des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam Ahmed, l'imam des gens de la Sunna, nous dit que ceci est rapporté de trois des compagnons, c'est-à-dire la peine légale du sorcier, le fait que sa peine est la peine capitale. Cela est rapporté de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Cela est rapporté de la mère des croyants Hafsa, la fille de Omar, et cela est rapporté de Jundub ibn Ka'b, radiyallahu ta'ala anhum. Il y a d'ailleurs un récit qui est rapporté à ce sujet. Il est rapporté qu'un jour, un sorcier faisait paraître aux gens qu'il tuait un homme et le faisait revivre. C'est-à-dire qu'il pratiquait le sort d'illusion. Donc, il faisait paraître aux gens qu'il coupait la tête d'un homme, puis qu'il la remettait à sa place et que l'homme redevenait vivant. C'est cela que les gens voyaient de leurs yeux, mais ceci ne se produisait pas en réalité. Donc lorsque Jundub ibn Ka'b vit cela, il s'approcha de lui en cachant son épée. Et lorsqu'il s'est approché, il lui trancha la tête d'un coup d'épée, puis il dit, s'il est véridique, alors qu'il se fasse revivre. Il a donc prouvé la fausseté de ce que ce sorcier pratiquait. Et il a démontré qu'il ne faisait que tromper les gens par un sort d'illusion et que ceci ne se produisait pas en réalité. On voit donc à travers ces récits que le sorcier est un mécréant, car les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, appliquait sur eux la peine capitale. Et il n'appliquait cette peine qu'en raison de la mécréance du sorcier. Et sa mécréance, elle nous est prouvée dans le verset, comme on l'a vu tout à l'heure, à travers l'explication des différents passages du verset 102 de Sourate Al-Baqarah. On voit également, à travers ces récits, que le sorcier, la peine capitale est appliquée sur lui sans qu'on lui demande de se repentir. Car dans aucun de ces récits, il n'est rapporté que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, lui proposaient le repentir. Mais il est simplement rapporté qu'ils appliquaient sur eux la peine capitale. Et ce, car le sorcier, s'il se repent en apparence, la science de la sorcellerie est toujours présente dans son cœur. Car le repentir ne lui fait pas oublier la sorcellerie qu'il a apprise. C'est donc pour repousser ce mal que le repentir ne lui est pas proposé. Mais également, car il se peut que, pour éviter la peine capitale, il fasse croire qu'il s'est repenti alors qu'il n'est pas véridique. Et les gens de science ont mentionné que s'il est véridique, qu'il s'est réellement repenti, alors ceci est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de celui qui se repent. Tant que la personne est vivante, il lui est possible de se repentir de l'ensemble des péchés. Mais le repentir du sorcier est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la peine, il n'en est pas exempté, et tel est son jugement dans ce bas monde. Tous ces récits des compagnons radiyallahu ta'ala anhum qui nous indiquent la peine légale à appliquer sur le sorcier, qui est la peine capitale, ces récits ne veulent pas dire qu'il est du droit ou du devoir du musulman d'aller lui-même appliquer cette peine sur le sorcier. Mais l'application des peines légales en islam, celle-ci revient au gouverneur et non pas aux différents membres de la société. Ceci est donc un point très important à souligner. Barakallahu fikoum. Quoi qu'il en soit, on voit à travers tout cela que la sorcellerie est une chose très dangereuse, et que les sorciers sont un mal pour les gens de manière générale et pour la communauté musulmane de manière particulière. Et ce car ils sont un mal pour les gens de par leur nuisance physique, leur nuisance corporelle, leur nuisance sur la raison, leur nuisance sur les cœurs, mais ils y sont aussi un mal pour la croyance, en raison des nombreuses formes de polythéisme qu'ils pratiquent, et les nombreuses formes de mécréance, comme le sacrifice pour les djinns, la vénération des démons, la prosternation pour eux, mais également ce qu'ils font pour se rapprocher d'eux, comme le fait de souiller le mushaf, et ainsi de suite parmi les différentes choses ignobles qui sont pratiquées par les sorciers, wal'iyadu billah. Il est donc obligatoire pour les musulmans de prendre garde à ces gens, prendre garde aux sorciers. Et surtout, surtout, ne pas les consulter. Quel que soit le mal par lequel est atteinte la personne, elle ne doit en aucun cas se rendre chez un sorcier. Même si on te dit que celui-ci n'est qu'un guérisseur, qu'il prétend pratiquer certaines formes de médecine ou je ne sais quoi, s'il t'est parvenu que celui-ci pratique en réalité la sorcellerie, qu'il ordonne aux gens de faire des sacrifices, de sacrifier des moutons ou des coqs ou des poules, de les jeter dans des puits, de les jeter dans la mer ou de les jeter dans des endroits désertiques, alors c'est que celui-ci est un charlatan et qu'il travaille avec les diables. Ils n'ont pas permis de les consulter et pas permis de croire aux informations qu'ils rapportent. Car les sorciers sont comme les voyants et même pire encore. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du voyant, comme on le verra dans un prochain chapitre avec plus de détails, celui qui consulte le voyant, sa prière n'est pas acceptée durant 40 jours. Sa prière n'est pas acceptée durant 40 jours, le simple fait de le consulter, même s'il ne le croit pas. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui consulte le voyant ou le devin et croit en ce qu'il dit, il a certes mécru en ce qui a été révélé à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tel est le jugement de la consultation du voyant, que dire alors de la consultation du sorcier qui est pire que le voyant? Il n'y a pas de doute qu'il incombe aux musulmans de s'écarter d'eux, de mettre en garde contre eux et de prendre garde à ne pas tomber dans une de ces calamités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, car ceci est un grand danger. On a donc terminé avec ce chapitre et on verra dans le chapitre suivant certaines sortes de sorcellerie à travers différents textes que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés. On va donc s'arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.